Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 77! Yeah! J'espère que ça va bien pour vous. On est le matin du 24 juin 2021. Bizarre d'année. C'est la Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, bonne Saint-Jean à tout le monde. C'est fantastique. Il y a juste le bon vieux Papa Cassette qui est au travail présentement. Parce que dans le fond, cette semaine, mon plus vieux, lui, il a 13 ans. Fait qu'il glande à la maison tout l'été. Mon plus jeune, il a 8 ans. Fait que l'école est terminée la semaine dernière. Et puis, le camp de jour commence la semaine prochaine. Alors là, cette semaine, c'est une bonne vieille semaine entre deux où est-ce qu'il finissait l'école le mardi. Mercredi, hier, je l'ai amené au travail ici. Jeudi, aujourd'hui, ma blonde reste à la maison. Moi, je viens travailler parce que... Puis demain, je vais sûrement rester à la maison. Fait que je viens travailler aujourd'hui pour compenser un peu les pertes de revenus. Parce qu'il y a bien des pertes de revenus à avoir des enfants puis à rester à la maison à tout bout de champ. COVID, férié, les pédagogues, puis mille affaires. Ça vient qu'à coûter cher, ça, pareil, par année. Je serais surpris, d'ailleurs, de comptabiliser ça. Le nombre les journées de salaire, tu sais, sacrifiées pour rester à la maison. Fait que c'est ça qui se passe. Alors aujourd'hui, je suis tout seul, tout fin seul au QG de Retro MTL, mesdames et messieurs. Et puis ça, c'est pas mal le fun. Fait que je suis tranquille pour faire mon podcast. Aujourd'hui, c'est question du public. Et puis je vais répondre à vos questions, ben chill. Puis je vais boire mon gros café. Et puis après ça, je vais aller nettoyer des jeux puis faire de la paperasse tout le restant de la journée, seul. Pas un son. Autre que ce que je décide d'écouter dans mes écouteurs pendant que je nettoie des cassettes. C'est fantastique. Avant de commencer les questions, je voulais juste... pour ceux qui sont nouveaux... parenthèse, absolument pas rapport. Ceux qui sont nouveaux à mon podcast, quand il y a des silences, là, comme vous venez d'entendre, c'est moi qui bois du café. Donc, si vous l'écoutez juste en audio, là, parce que je viens d'arriver puis là, je bois mon gros café, comme d'habitude. Alors, comment dire café au Papa Cassette podcast, on serait dû. Par contre, je tiens à spécifier que je continue depuis des semaines, je sais plus ça fait combien de temps, certainement un mois, à ne pas prendre de café l'après-midi. Alors, j'ai triché deux fois, trois fois en un mois, c'est pas si pire, petit café, là. Pas un gros Chris, là. Fait que c'est ça. Donc, je suis pas mal content de moi. J'ai pas mal baissé le café. Alors, juste le matin, maintenant. Je pense que c'est bien. Je pense que ça me fait du bien. Donc, oui, avant de commencer les questions, je voulais juste faire un mini-retour sur la réouverture de Arcade MTL. Il s'est très bien passé. Pour vrai, l'année passée, quand on a eu le droit d'ouvrir, pour l'été, tu sais, puis ils nous ont refermé en septembre, là, genre. Quand on a eu le droit de réouvrir, à la grande réouverture, tu sais, j'avais fait un visuel, j'étais excité, tout événement, yeah, on était tous là, prêts à accueillir le monde, je me demandais s'il allait avoir un line-up, tu sais, les gens, ils ont envie de sortir, ça fait longtemps. Il y a eu 5 personnes dans toute la soirée, c'était une catastrophe, j'étais déprimé. Je vais pas en parler trop parce qu'il y a une question là-dessus, d'ailleurs. Fait que ça avait très mal été, et puis là, je me disais que là, à cette réouverture-ci, les gens sont vaccinés, les gens ont vécu avec le virus là, un an de plus, ça fait que on est moins, on s'entend, là. Je suis sûr qu'il n'y a plus grand monde parmi vous qui lavez votre épicerie. Fait que ça a super bien été. On a fait la moitié des chiffres des soirées normales. T'sais, mettons, on fait un 4000, un beau samedi soir. Eh bien là, on a fait 2000, t'sais. Fait que ça, c'est très, très, très bien, là, parce que ça, c'est à effectif réduit. Ben dans le sens qu'on peut pas accepter tout le monde, mais de toute façon, il n'y a pas eu de line-up, on n'a pas eu besoin de refuser personne. C'était juste comme joliment plein, t'sais, ça circulait. T'sais, chez Arcade MTL, il y a bien du monde qui vient de faire un tour, mais ils passent pas nécessairement toute la soirée là, t'sais. Ils commencent là, ils se font des games, tout, après ça, ils vont souper. Puis ils chillent ailleurs, ou à l'inverse, t'sais, ils sont ailleurs pis tout, puis ils viennent se finir en jouant des jeux, t'sais, fait que oui, il y a du monde qui passe la soirée là, bien sûr, surtout quand il y a des tournois et tout. Mais on est beaucoup une place aussi de comment dire, spécial, tu sais, le monde vient de voir, hein, c'est cool, ils font une heure ou deux, ils jouent un peu à tout, ils s'en vont, puis ils l'ont essayé, tu sais, puis ils reviennent une autre fois. Fait que c'est ça. Donc, ça circule, on a beaucoup de questions par rapport à ça, d'ailleurs, et puis, inquiétez-vous pas, si vous voulez venir, il n'y a pas de line-up, tu sais, ça roule super bien. Donc, c'est ça. Et puis, à l'intérieur, ben c'est comme l'année passée, il faut porter son couvre-visage dans vos déplacements, sinon, une fois assis à la table, tu peux l'enlever, ou à une station de jeu ou une arcade, tu peux l'enlever. Et puis là, on va passer en zone verte lundi. Et puis ça veut dire qu'au lieu d'être deux familles par table, ou je sais pas quoi, peut être 10 par table, ce qui change absolument rien pour nous, en fait. Donc j'espère juste, moi, que c'est la couleur verte qui va encore plus calmer les gens. Et puis que les gens vont oser plus venir. Excusez, donc c'est ce que j'espère. Alors, ça a été très bon vendredi, très bon samedi. Dimanche, on s'entend, c'est tranquille. Lundi, on est fermé. Mardi, tranquille. Hier, mercredi, belle soirée. Aujourd'hui, jeudi, Saint-Jean, ça devrait être une belle soirée aussi. Donc, c'est le fun, là. Tu sais, moi, on vise pas là, des grands chiffres ou whatever. On veut juste comme un bon petit roulement, puis on veut le voir grandir avec le temps. Fait que le staff semble on point. C'est sûr qu'il y a des... tu sais, comme nous-mêmes... moi, je suis pas au courant de tout, t'sais. C'est pas moi qui opérais le bar là-bas, là, t'sais. Fait que quand le staff, ils ont des questions très pointues sur le close qu'on fait ici, dans la caisse, telle affaire, t'sais, je sais pas. C'est gérant, la gérante s'occupait de ça. Fait que c'est un petit peu plus compliqué à ce niveau-là, mais on va tout s'ajuster, là, puis on va se trouver un nouveau gérant. Et puis, tout va bien aller. Alors, ça va bien, je suis content. Et puis, il y a quand même du stress qui a descendu un peu, là, par rapport à ça. Et puis, je dors mieux quand même, je dors mieux. Donc, voilà. Donc, tout le temps, donc, que je dis. Première question, à la mot Saint-Jean. Là, j'ai enlevé mes lunettes. Je sais pas si vous, les porteurs de lunettes, ça vous fait ça, là. J'ai pas dormi tant que ça la nuit passée, puis... Tu sais, quand t'es fatigué, là, il me semble que les lunettes, ils te pèsent le nez, là, ils sont plus lourds que d'habitude, puis tu sais, ils tombent, ils coulent. Là. C'est comme si ton visage, il les rejetait, tu sais, tu comprends? Là, ça me fait ça un matin, je les ai enlevés. On peut voir mes beaux cernes. Moi, j'aimerais ça être une vedette de Hollywood, rien que pour, tu sais, comme me faire le corps parfait. Tu sais, les cheveux tout le temps coupés correct, tu sais, du soleil, pas de cernes, propre. Mais ça être propre. Moi, là, quand on meurt, mettons, on va au paradis. Là, je crois pas à ça. Mettons qu'il y a un paradis qui existe. Je fantasme par rapport à ça. Mettons ça existe, là. Tu vas au paradis, là. T'es le meilleur de toi-même. T'sais. T'arrives là-bas, ils t'organisent. T'sais. Ils te mettent les cheveux beaux. T'as plus aucun point noir. T'sais. T'as plus de marde. T'as plus de tout ce qui faisait défaut sur ton corps, des cicatrices, des shit, des patentes. Tout ça disparaît. Tout est lisse. T'sais. Tout est parfait. Là. Tout est égal. La barbe, tu sais. La ligne ici, tu sais, ouais, j'ai de la misère, la caméra est inversée. La ligne ici est droite, tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, ceux qui ont un œil plus bas que l'autre, l'œil il remonte, tu sais, comme c'est ça. Là, mon nez un peu moins retroussé, tu sais, des affaires de même. Fait que là, au paradis, tout le monde est fucking magnifique. Fait que moi, je pense à ça. Je pense à ça quand je vois mes cernes. Donc, c'était pas une question. La question de l'Alamo Saint-Jean, quel jeu que tout le monde aime, que toi, tu n'aimes pas. Pourquoi? Bonne vieille question, ça, moi, le hater des haters. C'est pas... Il n'y a pas de jeu que... Comment dire? On dirait que... Je pense pas que... J'arrive pas à penser à un jeu que je devrais aimer. Puis que... Comment dire? Sans... Il n'y a pas de jeu que j'aime pas dans un style que j'aime et que tout le monde aime. Tu comprends? Mettons, je dis n'importe quoi, là, mais n'importe quoi, là. Mettons, j'aime les jeux de lutte, là. Mettons, j'aime la lutte, là. Puis No Mercy au 64, tout le monde aime ça, mais moi, j'aime pas ça. J'arrive pas à penser à un truc du genre, tu sais. Comme, des fois, même c'est à l'inverse, Castlevania 2 au NES, j'aime ça. Les gens, ils hate là-dessus. E.T. à l'Atari 2600. D'ailleurs, là, on va mettre de quoi au clair, puis je pense que c'est bien de faire un reminder dans mon podcast de temps en temps. Si vous dites que E.T. à l'Atari 2600 est le pire jeu vidéo de tous les temps, je trouve que ça vous discrédite un brin sur vos connaissances en matière de jeux vidéo. Parce que vous êtes juste comme suivi des affaires internet, tu sais, pis oh, ils ont enterré dans le désert tellement c'était pourri, tu sais, comme oui, il y a eu bien des articles là-dessus, là, mais E.T. est un jeu bien correct à l'Atari 2600. Jouez à l'Atari 2600, vous allez voir la profondeur de ce jeu-là quand même. Et puis, ce jeu-là a été décevant parce que compliqué pour bien des gens à l'époque, tu sais, puis oui, ça a été une déception, tout comme Cyberpunk l'est aujourd'hui, I guess. Mais le jeu était pas broken, il était juste comme le monde, savait pas quand il s'attendait pas à ça, tu sais. Fait que voilà, mais c'est un bon jeu. Alors, mais pour répondre à ta question, faut pas que j'invente des questions, ça finira jamais. Pour répondre à ta question, à la mot, je dirais, c'est plutôt au niveau, tu sais, Ocarina of Time. Je peux pas, j'ai essayé de jouer à Ocarina of Time 3D, tu sais, puis j'ai haï ça ben raide. Twilight, j'ai commencé, j'ai abandonné. Je veux, tu sais, Breath of the Wild, les Zelda 3D. C'est comment dire, j'adore les Zelda 2D, tu sais, top down. J'en ai joué plusieurs. Et puis mais top 3D, man, j'y arrive pas, je me tanne. Je vais y aller avec une réponse très générale, les franchises Nintendo, je me tanne, tu sais. Les Mario, je les finis jamais. Les Zelda, je les finis quand ils sont top down. Les Kirby, je les finis jamais. Je joue jamais à Mario Kart. Je joue à Smash, je joue pas à ça. Je pense que Smash, ça serait l'excellent exemple. J'aime les jeux de combat, puis j'aime ça troller le monde en disant que Smash n'est pas un jeu de combat. Je trouve que ça n'en est pas un, vraiment. Mais, c'est pas... J'ai essayé, man. J'ai essayé. Ce jeu-là fait pas de sens pour moi. C'est n'importe quoi. Comment aimer une affaire aussi pas... Moi, j'aime ça. T'sais, j'aime Street Fighter, j'aime Tekken. Mortal Kombat, quand même pas mal moins, quoique j'ai pas joué aux versions récentes, là, les Injustice, puis là, c'est devenu, tu sais, comme ça, ça a pris cette vibe-là. Mais Street Fighter, Tekken, Soul Calibur, parce que Tekken-like, c'est des jeux que j'aime beaucoup, des jeux techniques, des jeux d'anticipation. Ben, là, ça devient très intense de plus en plus, j'ai pas joué aux versions récentes, mais ça, j'aime beaucoup. Mais tu sais, tu compares ça à Smash, c'est pas un jeu de combat, Smash, tu sais. Fait que voilà, on va dire que c'est Smash. Désolé, guys, je sais que Smash, c'est très populaire. Il y en a partout chez Arcade MTL, du Smash, des tournois de Smash. Je suis le plus grand faiseur de jeux de tournois Smash au Québec. J'ai Smash. Ah, non, je ne sais pas si je suis le plus grand. Dans le sens celui qui en fait le plus à l'arcade. Mais il faut faire plaisir aux gens. T'sais, c'est bien correct. L'arcade, c'est important. T'sais, moi, cette arcade-là n'est pas à mon image 100% non plus. T'sais, tu arrives, il y a un mur de posters et télévision. Ça me ressemble. Mais, tu sais, tournoi de Smash, ça me ressemble pas. Tu sais, il y a aucune console Atari en place, pas normal. Il y en avait au début, ça chiait, bref, en tout cas. Fait que ça me ressemble pas, mais il faut avoir une balance, tu sais, pour que les gens soient heureux. Puis pour pas que nous autres, on fasse juste comme essayer de plaire à tout le monde. Tu sais, cette place-là doit nous ressembler aussi, sinon on sera pas heureux d'y aller. Ah, Olivier Grondine, tu sais que Olivier, je viens juste de... Il n'y a pas longtemps que j'ai catché ton nom, vu que tu le changes sur Internet. Tu dois être professeur ou travailler au gouvernement, je sais pas quoi. Alors voilà, merci pour ta présence dans les questions, les projets, et puis Patreon aussi, il me semble, n'est-ce pas, Olivier, ça se peut-tu? Je vois tes commandes passer. D'ailleurs, je vois vos commandes passer chez Retro MTL, ceux qui en font. Et puis, tu sais, des fois, je vois vos dons dans les commentaires pendant qu'on est live à Retro Nouveau. Ben, vous likez, vous commentez mes posts, papa cassette, vous achetez des choses. Parce que moi, je vois toutes les ventes dans mon téléphone de tout le monde. Tu sais, je les regarde pas toutes nécessairement tout le temps. Mais je vois le nom, tu sais, puis tout ça. Fait que ça me fait bien plaisir de vous voir un petit peu partout dans mes affaires. C'est très apprécié. Donc, Olivier dit, si tu avais l'occasion de créer un jeu dans une franchise que tu aimes, quelle serait la franchise et que ferais-tu un peu différemment? Tu vois, ce genre de questions-là, c'est très compliqué. Puis quand je fais des questions du public à mon podcast, habituellement, je lis rien. Mais là, pour Alamo et toi, j'avais lu vos questions un petit peu. Puis là, j'ai pensé à ça dans la douche un matin. Je ne le savais pas. Puis là, en coulant mon café tantôt, j'ai allumé. Et puis, je pense qu'on est dû pour un vrai bon Strider. Strider est une série que j'aime. Parce que moi, j'ai découvert Strider dans le temps au NES, comme bien dans beaucoup de monde d'entre vous, bien sûr, j'imagine, parce qu'il n'y avait pas des arcades Strider partout autour de nous. Puis Strider au Sega Genesis, c'est le vrai jeu d'arcade que j'arrive pas à apprécier tant que ça, je vous dirais. Et puis là, moi, Strider NES, je trouve ça bien correct. Mais comme souvent, des ports d'arcade au NES, c'est complètement changé pour en faire un autre jeu. T'sais. Mais moi, ce jeu-là, oui, le gameplay, les contrôles, c'est pas parfait du tout. Mais la musique était cohérente. Graphiquement, c'est quand même très bien. T'sais. C'est un peu early Capcom. Là, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Puis qui est le fun à faire. Puis qui se fait maintenant que je suis grand, que je comprends, que je sais lire l'anglais, que je sais où aller. Là. Puis, j'aime ce jeu-là. Strider, l'original, arcade, je trouve ça dur en crise. Mais j'ai vu Carl, notre copain Carl, termine à slot. Et puis, lui, il te finit ça, les yeux fermés. Fait que je dis, oh, ben, Colin, un coup, t'es capable de bien jouer, ça doit être plaisant. Strider Returns au Genesis est une calamité. C'est vraiment pourri, c'est pas bon du tout. Il y a eu Strider 2 au PlayStation 1, qui était absolument magnifique, très très très badass, avec la musique puis le pays. Ça, c'est le badass de ce jeu-là, moi je l'adore, tu sais, le personnage, comment est-ce qu'il se tient, comment est-ce qu'il court, il est beau, tu sais, ça c'est beau, là. Le cover, là, les yeux, Strider et Ryu, il est comme, il est super agressif, les dessins dedans, tout ça c'est parfait, là. Mais le jeu, c'est comme un jeu d'arcade auquel t'as tout le temps des continues. Fait que, tu sais, comme tu meurs, tu peux start, tu recommences là. Fait que, tu sais, that's it. Là. Tu peux pas ne pas finir ce jeu-là. Fait qu'il y a aucun challenge, au fond. Là. Tu fais juste le faire, puis c'est joli, tu sais. Puis c'est pas très long. Fait que, c'est ça. Puis le gameplay, c'est un petit peu trop rapide. Tu sais, c'est pas on point, là, le gameplay non plus. Mais j'aime ce jeu, tu sais. Mais c'est vraiment pas parfait, là. Puis après ça, ils ont fait un Strider, un autre. Puis c'est pas Strider 3. C'est un Strider disponible en digital seulement, que j'avais téléchargé, j'étais vraiment excité de ça. J'avais téléchargé ça au PS3 dans le temps, et puis j'avais donné sa chance, t'sais. Puis j'ai joué, puis je comprends pas pourquoi ce jeu-là, j'arrive pas à mettre le doigt exactement sur ce qui manque. Peut-être, je pense que c'est trop un labyrinthe, t'sais. Tu finis par te perdre un peu, tu sais plus trop où aller, tu gosses. Il y a des zones grises de même dans ce jeu-là qui fait décroche, là, tu sais, puis c'est trop Metroidvania sans l'être vraiment, puis tu sais, ça fonctionne pas vraiment, tu sais, mais le personnage est beau, tu sais, tout est là, puis ça se contrôle un peu mieux que le 2 au PS1, mais tu sais, encore une fois, il y a de quoi qui marche pas ici dans le jeu là, mais il est beau aussi, tu sais, c'était. Mais calice! Puis là, il n'y a pas rien eu d'autre de Strider depuis ce temps-là. Terminé! Mais il y a Strider et Ryu dans Marvel vs. Capcom 2, ça, il est très beau, là, je l'aime bien. Et puis, il est assez efficace aussi. Donc voilà, Strider est une série que j'aime parce que je trouve ça hot. J'aime l'univers, j'aime le personnage, j'adore le personnage. J'adore le côté badass de tout ça. Chris, il réussit jamais à nail ce jeu-là comme il faut. Moi, je referais un nouveau Strider. Badass, tout, tu sais, comme lui, c'est Strider et Ryu, that's it. Puis je le ferais peut-être pas Metroidvania deep, je le ferais pas stage après stage non plus. Tu sais, je pense que ça prend un peu de profondeur, comme il avait commencé à faire au PS3, et Xbox 360, etc. Mais tu sais, bien sûr, mieux, mais plus léger, là, plus tu sais, t'avances. Là. Peut-être aussi qu'on pourrait avoir un genre de système d'upgrade des nouveaux skills. Pas un arbre de skills, mais des armes supplémentaires, des affaires de même, on serait dû. Et puis, il pourrait avoir, puis je trouve que ça marcherait bien, du shmup intégré dans le jeu-là au travers des certains niveaux de shmup. C'est quand même un univers de spatial, là, cybernétique, ninja-esque, japonais badass. Je veux dire, ça crie le shmup, cet univers-là. Là, ça marche au bout, là, tu sais. Puis ça serait le fun qu'ils reprennent vraiment comme au NES aussi. Ben, c'est un peu ça, pas mal les autres Strider aussi, je pense. Mais bien visiter le monde, tu sais, comme le Japon, l'Australie, le Kazakh, toutes ces places-là. Tu sais, je reprendrais tout ça, puis je rebrasserais ça solide, là, tu sais, ça pourrait être très bien. Fait que voilà, ça répond à la question. Jean-François Joly, à quel point t'es en tabarnak, en lettres majuscules, au sujet des mesures sanitaires qui scrapent Arcade MTL? Tu sais, depuis le début de la COVID, j'ai vécu toutes les émotions par rapport à ça. Complètement paniqué, bien sûr, au début, parce que moi, au début, j'ai comme, je reviens chez nous, j'arrête toute forme de travail, je m'occupe de mes deux enfants, ferme mes deux business, tu sais, là, j'ai plus aucun revenu à maison, me noter. Je suis comme, mais qu'est-ce que je vais faire, tu sais. Puis là, bon, la PCU a commencé, les affaires ont commencé, tu sais, puis ça a débloqué. Tu sais, je suis pas fâché au sens que je comprends, tu sais. Un bar, certainement que le monde va là pour se mettre chaud. Puis c'est une place plus chaleureuse là, que le théâtre, là, tu sais, ou des affaires que le restaurant, tu sais. Je comprends ça, puis oui, c'est pas scientifique. T'sais, comme c'est juste logique là, que les bars, le monde se mette chaud là-dedans. Là, t'sais, puis c'est correct, je comprends ça. Puis ils peuvent pas non plus. T'sais, nous autres, on est un petit bar, t'sais, mais on rentre dans la même catégorie qu'un gros club là, qu'il y a sur Saint-Laurent ou whatever. Là, t'sais, où est-ce qu'ils rentrent 400 personnes, puis que le monde se défonce, puis qu'ils sont sa I, puis whatever. Là, t'sais. Nous autres, on est juste un petit bar de gaming. Là. Fait que le gouvernement peut pas séparer les types de bars tant que ça non plus. Quoique peut-être, avec le permis, tu sais, le nombre de personnes. Mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, il y a un virus, puis le monde, faut pas que le monde se touche, fait que c'est normal qu'on écope, tu sais. Puis je dois dire, après avoir vu tout ça, puis vécu tout ça, j'ai eu des moments de frustration, j'en ai eu un petit peu. Mais plus de panique, là. Pas de panique, là, mais d'inquiétude. T'sais. J'ai vécu bien de l'inquiétude. Puis ça a été un peu comme un deuil à un moment donné, où est-ce que. Hey, on va-tu rouvrir, qu'est-ce qu'on fait? Puis tu sais, comme là, à force de paniquer avec ça, de recevoir des subventions, à un moment donné, c'est venu sur le contrôle automatique, t'sais, sur le roulement automatique. J'ai arrêté de m'en faire. On avait des subventions. On check le compte de temps en temps. Ça tient. So, OK, attendons. Puis à un moment donné, comme je pensais même plus à cette place-là, ben je pensais bien sûr à tous les jours, mais tu sais, c'était pas présent dans mon esprit, là, tu sais, j'y allais pas, puis tout était fermé là-bas, puis le staff a quitté, puis ça s'est déserté, tu sais. Puis c'est devenu une coquille qui dort là, puis that's it. Puis je pense que c'est normal, je vois pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais, je vois pas guerroyer, puis ça donne rien, hein, tu sais, c'est le gouvernement qui est... Puis... Tu sais, moi, par rapport à l'autorité, moi, j'ai de la misère avec l'autorité, pour être franc. J'ai pas de la misère avec toute forme d'autorité. J'ai de la misère avec l'autorité que je juge qui fait pas une bonne job. J'ai eu des excellents patrons dans la vie et puis j'ai aucun problème à me soumettre à quoi que ce soit de leur part. Et puis, j'ai eu des très mauvais patrons que j'ai obstiné, puis que j'étais pas d'accord, puis je trouvais qu'ils faisaient une crise de job de merde, puis que j'aurais fait mieux. Fait que, tu sais, ça m'a poussé un peu à... Je suis fait de même. Et puis, tu sais, comme j'ai eu des excellents professeurs, des professeurs épais. Et puis, c'est ça, tu sais. Moi, j'ai pas de misère à me soumettre à quiconque, tu sais. Puis, pas juste comme des figures d'autorité, mais mes partenaires, mes amis, le monde avec qui tu jases, là, tu sais. Tu sais pas tout. Puis, quand t'es pas d'accord, ben, tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Puis, c'est ça. Donc, pourquoi je disais ça? Hein? Ouais, gouvernement, l'autorité. Je trouve que ce que le gouvernement en place fait, ça fonctionne. C'est pas parfait. Qui aurait fait une parfaite job là, dans la COVID, là, cette affaire de fou de même, tu sais, personne. Je trouve que le Québec s'en sort bien. Je trouve qu'on a été quand même un peu fort là, sur la sécurité, puis on aurait pu slacker un peu plus de temps en temps pour donner un coup de main. Mais d'un autre côté, tu sais, par rapport aux entreprises, tu sais, il y a eu des subventions et tout, puis il y a personne qui est mort dans la rue, puis tu sais, ça a pas été, tu sais, même... La CPU puis tout ça, tout le monde avait de l'argent, là. L'économie a continué. T'sais. Il y en a fermé des entreprises, t'sais. Mais les entreprises que je vois fermer, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ferment, t'sais. Sauf si ça allait déjà mal, puis ça c'était le petit push qui manquait pour que ça finisse de fermer complètement. C'est juste ça que je vois, là, moi personnellement. Fait que je vois pas comment, avec toutes les subventions en place, les entreprises ferment complètement, t'sais. C'est dur pour moi parce que l'entreprise, elle existe, elle ferme pas, mais elle me donne pas de revenus. Fait que j'ai perdu bien des revenus pendant cette année qui ont été compensés par la PCU. Dieu merci, mon autre entreprise fonctionne aussi. Si ça avait pas été le cas et que j'avais pas eu ce salaire-là, ça aurait été tough. Mais bref, c'est ça. Il y a eu bien des situations personnelles à tout le monde. Moi, je m'en suis sorti. Puis je pense que, tu sais, quand tout le monde a fait des rénovations, le bois, le prix du bois a augmenté, t'sais. Personne n'est mort, personne n'a fait faillite, là, ben, il y en a peut-être, là. Mais vous voyez, le portrait global, la situation économique suite à la COVID, c'est qu'il y a des sphères qui ont vraiment explosé, il y en a d'autres qui ont mangé à la claque, mais les gens en tant que tels, personne a dû vendre sa maison puis retourner vivre chez ses parents parce qu'il n'y avait plus d'argent. Là, ça a comme... Fait qu'overall, j'ai pas été en tabarnak. Au début, j'ai eu des moments. Ben, moi, il y a une affaire qui me gosse. Je vais finir avec ça. L'affaire qui me gossait, par exemple, c'est dernièrement, c'est l'histoire du Last Call. Là, je pense que j'en ai parlé à mon dernier épisode d'ailleurs, que le Last Call était à 11h. Puis là, il repousse à minuit. Ben, le Canadien est en série, tu sais. Chris, là, arrêtez de niaiser, là, laissez-nous donc opérer. Là, parce que c'est n'importe quoi, tu sais. Le monde sont dans la place. En tout cas, ça, c'est un petit peu niaiseux. Là, t'sais. Puis quand j'ai oublié le nom du ministre de la Santé, là, quand il parlait du Last Call, puis il comparait au Saint-Hubert. Mettons, t'es au Saint-Hubert, là, tu peux prendre un verre, puis là, si tu manges, tu sais, comme, hey dude, on n'est pas tout le pub du Saint-Pub, le pub du Saint-Pub, du Saint-Tube, là, tu sais, il comparait, tu sais, comme, ta gueule, c'est quel exemple de marde, là, tu sais, ça m'a vraiment piqué au vif, là. Mais bref, all in all, on est encore là, c'était une drôle d'année. Je me maintiens, le bar réouvre, ça fonctionne, pas à plein régime, mais si tout va bien, il y aura plus de zones de couleur à la fin de l'été, plus de masques en septembre, puis on va vivre notre vie normale, puis là, ben, ça va repartir, donc il suffit d'attendre un peu. Je suis pas mal plus en tabarnak contre les gens. Quand j'ai vu des autobus de monde débarquer à Montréal à côté du stade, pas de masque, c'est-y, pour aller manifester contre les mesures sanitaires parce qu'ils sont tannés. Ça, là, ça m'a mis en tabarnak. Retournez chez vous, cette bande de malades. Tu sais, comme, oui, on a tous triché un peu, là, mais sacrément, ça, c'est ridicule. Moi, c'est... j'ai été pas mal plus en colère cette année de voir à quel point je suis entouré d'imbéciles que ce que j'ai dû subir, là, tu sais. Fait que voilà. Il y a bien des questions encore, my god. OK, puis déjà une demi-heure de fête. Ça va être un long spectacle. Cédric, quoi? Canadien ou Vegas? Ça va être canadien. Même quand j'étais petit, c'était canadien nordique. Même si j'habitais proche de la ville de Québec, puis c'est la ville où est-ce que j'allais souvent, parce que en Beauce, t'es collé sur Québec plus que sur Montréal, si on parle des grandes villes. Puis, je sais pas, j'ai tout le temps pris pour canadien. Moi, je trouvais ça beau. Chandail rouge, tout ça. Je connaissais les joueurs, tu sais. Nordique, pas tant. Mais j'aimerais ça que les Nordiques soient là encore, par exemple. Ça, c'est très dommage. Très, très dommage. Marc Charpentier, d'ailleurs, à soir, là, on est à Montréal. Si le Canadien élimine Vegas à soir, ouf. J'espère juste qu'il n'y aura pas de casse, tu sais, comme faites le party, puis tu sais, comme la police pourra pas contrôler ça, il n'y aura pas de 2 mètres, tout ça. Puis ça, c'est bien dommage, mais vous voyez, à un moment donné, le contrôle, il se perd, tu sais. Mais moi, je veux juste pas, que le monde il pète des affaires. C'est ça qui est plate là-dedans, les casseurs, tu sais. C'est une très petite partie, tu sais. Tout en ça, pareil, il y a des grèves, des manifestations, des célébrations, puis il y a des casseurs, là. Ça, c'est vraiment de la merde. Donc, Marc Charpentier, combien de fois penses-tu avoir soufflé dans une cassette NES de toute ta vie? J'ai soufflé pas mal. Je sais pas, man. Des milliers de fois, certainement. Jean-Michel Racine, pile full set Super NES. Est-ce encore dans ton esprit? Est-ce que tu ressens une certaine pression sociale de la part de tes listeners? Merci, j'adore t'écouter jaser. Merci, c'est très apprécié. Non, pour vrai, je ne ressens pas de pression de votre part par rapport à ça. Je serais bien. Je me sens un peu. C'est bizarre parce que ça continue, bien sûr. Suivez ma page Facebook, je publie mes acquisitions. Là, j'attends qu'ils s'en empilent un petit peu. Je vais faire ça bientôt. Et j'attends des belles choses par la poste. Pas Super NES, par exemple. Mais non, le Super NES, c'est drôle comment est-ce qu'il y a une couple d'années, à une certaine époque, tous mes amis, on était tous dans la chasse de finir nos 7 NES, tu sais, puis on venait d'ouvrir l'arcade, on allait à l'arcade, on jasait, on checkait nos apps, on était tous full into la collection, puis là, tout le monde est comme plus calme un peu, je sais pas, il y a une certaine... On parle plus tant que ça de collection, tu sais, quand on se retrouve et tout, ben, on n'est pas tous des collectionneurs non plus, tu sais, il y en a qui ont vendu des grosses parties de leur collection, tu sais, moi, je m'ennuie de ça, pour être franc, puis le set Super NES, je vais le travailler lentement, mais sûrement, puis je vais y arriver, mais on dirait que je vais être comme un peu... un cavalier seul là-dedans, là, tu sais. Je sais pas. Mais ben, y a Fred Gemus qui a fini son set TurboGrafx 16, puis Game Gear, puis Genesis dernièrement. Fait que voilà, c'est un des seuls avec qui on bounce un peu à Rétro Nouveau la balle des full sets. J'avais fait mon set Game Boy. Mais ouais, ce set Super NES là, j'ai vraiment l'impression que ça va se faire en solitaire, tu sais. Fait que on verra. Mais là, ce qui est bizarre aussi, c'est que je commence à ramasser de la marde. Toute la marde qui vaut rien, qui nous passe entre les mains chez Retro MTL, mais que les cartes sont beaux, genre Super Tennis, Hole in One, Golf, name it, il y en a. Je les garde. Fait que je ramasse le feller comme ça tranquillement. Et puis, ben, je paye ma part, hein, bien sûr. Mais, puis là, ben, il faut que je les mette dans mon étagère, il faut que je les mette sur mes tablettes. Puis là, ma collection Super NES, j'avais genre 200 jeux, ben, l'esti de belle crème de la crème, là. Tu sais, comme cette collection-là, si je l'avais à la vendre à un magasin, là, le magasin, comme, mon Dieu, c'est juste des bons jeux. Et tous ces jeux-là sont en parfaite condition, il n'y a aucun bac qui est déchiré, tu sais, comme, il y a 1%, tu sais, il y a 0.5%, là, de petites affaires pas correctes. Mais sinon, ma collection Super NES est crissement on point, là, tu sais. Puis là, je suis rendu à rentrer de la marde là-dedans. Et on dirait que ça fait... Ah, tu sais, t'étais beau, puis là, tu deviens laid. Mais tu vas être plus beau dans l'ensemble, tu sais, je sais pas. Ça va prendre la place aussi. Mais oui, je veux faire le Gris Force, tu sais, NES, Super NES, Game Boy. Simon Pellerin. Pour la Saint-Jean-Baptiste, top 3 jeux québécois et top 3 bières québécoises. Ouais, c'est des questions compliquées, ça, mon ami. Tu sais, les jeux québécois, je suis pas tant au courant de quel jeu a été fait chez tel studio Warner, tu sais, comme je joue pas Ubisoft, tu sais, je joue pas à ces jeux-là vraiment. Fait que moi, c'est les studios que je connais. Donc, The Messenger par Sabotage, Panzer Paladin par Tribute. Je trouve que c'est mon jeu préféré de Tribute, Panzer. Et puis, laisse-moi penser, il doit y avoir un petit jeu, là, une app là, ou quelque chose. Ah, Sundered. Sundered, c'est québécois ça. Crise de bon jeu. Fait que ça, c'est un beau petit top, ça. Ça fait bien du sens. Bière québécoise, man, il y en a tellement, là. Je trouve que la Nord-Est de Boréal, là, on la connaît, on en a bu, là, mais quand c'est sorti, tu sais, c'était la folie, puis moi, j'étais là-dedans aussi, je la chassais, puis tout, puis cette bière-là, je trouve... Elle a révolutionné, tu sais, le Québec. Elle a mis le Québec sur la map. Puis, Boréal a comme changé la game beaucoup, là, tu sais, avec cette bière-là, très respectable, qui est encore, je trouve, absolument excellente, tu sais. Des New England IPA, NEIPA, N-E-IPA, c'est un style très difficile à faire. C'est un style que tout le monde fait, mais que peu maîtrise. Cette bière-là, moi, je trouve qu'elle est on point. Est vraiment excellente et puis est up there là, avec n'importe quelle excellente bière américaine du même style, donc la Nord-Est bien sûr. Une bière que j'aime beaucoup moi personnellement, c'est la saison houblonnée de Shelton. J'aime les saisons, puis les saisons houblonnées encore plus. Donc cette bière-là pour moi est une bière que je revisite souvent. Tu sais, comme il y a des bières de même, t'es aimes, puis t'en prends, ben ça c'en est une. Je vais essayer de trouver un autre style, parce que souvent mon trio c'est IPA, saison, pills ou ben blanche. Pas assez de blanche, guys, faites des blanches, on va en faire une blanche. Moi. Puis sinon, une autre pills, quelle pills? Il y en a plein de bonnes pills, là, sérieux, pis ça, on va être franc, ça se ressemble un peu. La Blanche du Paradis de Dieu du Ciel est une bière que j'aime beaucoup. Là, je bois plein de bières plus pointues que ça. Brasserie du Bas-Canada, tu vois, ouais, j'ai malheureusement jamais goûté. Messorem, je voudrais bien, j'ai jamais eu accès à ça. Messorem, j'en ai bu quelques-unes, mais je n'ai pas bu assez pour être capable de vous dire, tu sais, comme telle affaire de Messorem, c'est comme, c'est passé, pas accessible pour moi, j'ai pas le temps de courir les releases tant que ça. Fait que je vous ai nommé trois bières très accessibles, là, disons. Boubou Landry, le pire deal que tu as fait étant jeune et que tu regrettes amèrement. Au départ, ça aurait été de vendre tous mes jeux Super NES complets en boîte, mint, avec ma console. Puis là-dedans, j'avais ActRaiser 2, Final Fantasy 3, Super Castlevania 4, Contra 3, Street Fighter 2, Mortal Kombat, Alien 3. C'était pas mal ça, mon line-up, il me semble. Tout ça était en condition impeccable. T'sais. Les boîtes, je les ai déballées, je les ai ouvertes, je les ai mis là. Puis j'ai vendu ça pour 50$. ça fait mal. Game Boy, j'ai vendu ma console où je l'ai donné à un cousin. Là, avec, puis tous mes jeux, mint, complet en boîte. J'avais Castlevania 2 Belmont's Revenge, Opération Contra, Kirby Dream Land, Bionic Commando, The Jetsons, Snow Brothers. Opération Contra, je l'étudie, ouais, ça me semble. J'avais quoi d'autre au Game Boy? Je me rappelle plus. Bien sûr, j'avais la boîte de la console et tout. Et puis tout ça, encore une fois, était impeccable. Et puis j'ai tout débarrassé ça pour rien, genre. Fait que ça, c'est, ça m'a fait très mal. Puis aujourd'hui, j'ai tout racheté puis rapatrié tout ça. Il me manque une affaire pour être complètement satisfait. C'est Jetsons au Game Boy. Là, j'ai réussi à avoir un Snow Brothers. Je l'ai payé cher, mais je l'ai. Bionic Commando, je l'ai. C'est des jeux, ça, qui, tu sais, au Game Boy, les boîtes, là, oublie ça. Là, ça coûte cher, là, c'est dégueulasse. Fait qu'il il manque juste de Jetsons. Là. D'après moi, ça va me coûter quasiment 500$, ce jeu-là. Mais un coup, je vais l'avoir complet. Je vais avoir refait mon Game Boy. Puis là, je vais être satisfait. Louis-William Gagné. Une franchise qui a arrêté, qui a pas fait de jeu depuis longtemps et que tu aimerais voir à nouveau. Man, ben, comme Strider, hein, un peu. Sinon, il y a bien des franchises de Nintendo. Nintendo ont tellement de franchises. Fait que j'irais avec la famille, plusieurs familles. En disant des choses comme Punch-Out, me semble qu'on est dû. Tu sais, Arms, ça compte pas. Bien sûr qu'on est dû pour un nouveau F-Zero, mais moi, j'ai jamais vraiment joué à ça. Donc, c'est pas quelque chose... Tu sais, je trouve qu'on serait dû, mais c'est pas quelque chose que j'achèterais. Voyons. Bien, on aimerait tous avoir un beau Star Tropics, là. Un nouveau Star Tropics, tu sais, comme... Ça coche et tout ça. Fait que ça serait bien. Laisse-moi regarder autour de moi. Contra, non, Contra, il y en a. Ah ben oui, Rogue Core, là, c'est pourri. Ben, ça ressemble un peu à ça, pour être franc. Les affaires reviennent quand même, puis je suis beaucoup dans les jeux indépendants. Puis les jeux indépendants, c'est ça, là. Non, j'allais dire Battletoads, il y en a eu un. Hein. Je l'ai pas essayé, hein, le dernier Battletoads, d'ailleurs. Je pense qu'il était correct. Double Dragon 4, ça a pas été... non. Mais tu sais, il y a des jeux que j'aimerais avoir des suites, mais c'est pas des franchises, tu sais. Shatterhand, des bons jeux de NES, là, tu sais, il y a pas de suite à ça. Power Blade, peut-être, mais qui ferait ça, tu sais, ça aurait l'air de quoi, là, je sais pas. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Danny Matteau, quel est ton jeu Atari Activision favori? Là, c'était mon jeu favori. S'il faut aller dans l'Activision, puis bon, c'est les jeux de tout le monde, ça. C'est sûr que Hero est un excellent jeu. Je vais te faire un petit top, là, un petit top 5 Activision. Frostbite, Sequest, Pressure Cooker, j'ai beaucoup joué à Pressure Cooker. Attends un peu, là. Je vais sortir mon téléphone parce qu'il y a d'autres gens qui vont me demander des choses, genre ton affaire préférée de. Et puis, je pense que c'est important que je réponde bien. Hein? Alors, ça sera pas long, guys. Je vais juste sortir mon application. Et puis, je vais scroller vite les jeux de ma collection. Activision. Mais c'est sûr que, tu sais, ça serait Hero, là, pas mal. Cosmic Commuter, ça, c'est un peu comme Defender, mais ça compte pas vraiment. Private Eye, c'est intéressant, mais non. Keystone Capers, j'aime pas assez ça, Keystone Capers. Crackpot. Ouais, non, je m'attends vite à jouer à Crackpot. Megamania, non. Je sais pas pourquoi, quand j'étais petit, je trippais sur Megamania, puis là, j'y rejoue, puis je dis Pitfall, bien sûr. Le Pitfall 2, on y allait à Pitfall 2 quand même, c'est une belle aventure. Ouais, Pressure Cooker, c'est sûr. Hero. River Raid, non, c'est sûr que c'est excellent. Ça. Sequest. Sequest, ouais, il reste dans mon top. Parce qu'il est simple et efficace. Et puis, ça va être ça, man. Donc, Hero, Sequest, et puis Pressure Cooker. Ça sera ça. Top 3. Activision. Pour ou contre, Yannick Whistle, pour ou contre une Switch Pro? Je sais que je m'amuse à... Je l'avais calé, hein? Il n'y a pas eu d'annonce de Switch Pro. Et il n'y aura pas de Switch Pro cette année, ni à Noël, parce que ça fait pas de sens. Et puis, c'est pas que je suis contre. J'en veux une Switch Pro, moi. J'en veux une meilleure Switch, là. Je suis pas contre. C'est juste que là, c'est pas une bonne décision d'affaire de sortir ça, là, t'sais. Je trouve que ça fait pas de sens. Si Nintendo le font, c'est... Je suis comme... Moi, je comprendrais pas ça. Alors, je ne suis pas contre. C'est pas mon argent. Je m'en calisse. S'ils en font une, je vais l'acheter. Si Nintendo décide de tirer la poule aux œufs d'or pour en mettre une nouvelle, ben, ils feront ça. Puis, je vais l'acheter comme vous tous, tu sais. Mais je suis pas contre. Absolument pas. Puis, j'ai bien hâte de voir ce que la Switch deviendra. Mais des consoles pro de Nintendo, là, je vois pas pourquoi on parle de ça. Parce qu'il me semble que ça a jamais été tant que ça dans leurs affaires. Stéphanie Marcellet, quelle est ta console préférée à part les Nintendo NES, Super NES et Switch? Comme on voit bien qu'elle écoute mon podcast. Merci. Console préférée, outre console de Nintendo? Ouais, c'est ça. Mettons, outre Nintendo, je peux pas dire l'Atari 2600 parce que j'aime la collectionner, j'aime y jouer, regarde, j'aime l'univers, mais je m'assois pas pour jouer à ça comme un malade, là, tu sais. Fait que, mettons, je regarde ma collection, là, dans ma tête, là. J'ai un peu de PS2, j'ai... tu sais, ça serait probablement Genesis, là, parce que y a du stock en masse à jouer là-dessus. Et puis, tu sais, mettons, Saturn, c'est surtout juste pour les chemins, fait que c'est pas si grand que ça comme univers. Tu sais, j'ai un peu de PS1, j'ai un peu de PS2, mais... je me revirerais surtout sur le Genesis, là, pour être franc, s'il faut pas choisir une console de Nintendo. Carl, le technicien l'éveillé. Top 5 à la télévision. Donne-moi une raison de t'acheter cette machine-là. Et puis Dan Desbiens qui répond au moins un top 10 facile. Alors oui, c'est intéressant. On va aller directement dans mon application. Dans mon application à la télévision. Ici, je suis certainement capable de faire un top 10. Ma collection, je vais aller dans ma collection. Bon, là, Astro Smash, ok, ça c'est sûr. Grand classique, excellent. Burger Time est un bon. Non, Buzz Bomber. Buzz Bomber Burger Time, des bons jeux ça. Burger Time, tu sais, il y a ça sur toutes les consoles, mais. Mettons exclusif à l'intellivision, là. Buzz Bomber. Comme je disais, on va le rentrer. On va pas compter Burger Time. Diner, c'est intéressant. Dracula, c'est intéressant. Parce qu'il court dans la rue et il sonne chez le monde pour aller les mordre. Je trouve ça absolument magnifique. Lock and Chase, quoique pas exclusif. Mais non, j'aime pas ça tant que ça. Fuck that. He-Man, Masters of the Universe. Excellent jeu. Beaucoup de sport. Hein? Night Stalker, bien sûr. Bien sûr. Exclusif et excellent. Là, il y a des jeux d'Activision. Shark, j'adore, c'est vraiment bien. Snafu, j'aime pas ça tant que ça. Thin Ice est définitivement là-dedans. Genre de petit pingouin sur des patins qui patine sur la glace et qui découpe des formes. Thunder Castle, excellent jeu. Ben là, je dis excellent, tu sais, c'est pas GTA 5, là, on s'entend. Là. C'est des excellents jeux à télévision. Donc, tous ceux-là que je nomme sont exclusifs, puis ils font un excellent job. Fait que voilà, Thin Ice, Thunder Castle, Night Stalker, Astro Smash, Et puis, c'est quoi l'autre que j'avais dit, là? Les Advanced Dungeons and Dragons, je trouve ça trop difficile. Boss Bombers. Et voilà, un top 5, mesdames et messieurs. Fred Gemus me demande, c'est lequel ton turtle préféré, puis pourquoi c'est Raph? Et André Paquette qui dit, Donatello intensifies. C'est bizarre ça, hein, parce que moi, quand j'étais petit, c'était Donatello mon préféré, parce que les seuls contacts que j'avais avec les Tortues Ninja, c'était via les jeux vidéo. Et puis, Donatello, il a de la portée. Puis Raph, il en a pas. Et puis, Mikey, tu sais, il est comme, ah, c'est pas... Tu sais, j'ai eu Turtles 1 au NES, et puis en cadeau à Noël, et puis ça a été semi une déception, parce que c'était super dur, mais Donatello, là-dedans, il est vraiment, il est excellent. Et puis, Léo, tu sais, mais il n'y a pas de personnalité, c'est vraiment par rapport aux armes, tu sais. Puis le jeu d'arcade, Donatello, plus de portée, tout ça. Puis Raphaël, là-dedans, dans ce temps-là, il est comme plus rapide. Ben, plus dans les jeux d'arcade, là, au NES, ça change absolument rien. Puis au NES, Turtles 2, ils sont tous pareils, anyway, puis on s'en calisse. Mais, mettons, à Turtles 4 au Super NES, tu sais, Raphaël, il est comme plus rapide, mais il encaisse moins. Puis, tu sais, ils sont quand même un peu différents. Fait que, en tout cas, mon appréciation des Turtles était basée sur leurs compétences à travers les jeux vidéo auxquels j'ai joué. Et puis, ça l'a changé, ça, beaucoup. Et puis, j'ai défini Raph comme mon Turtle préféré avec l'excellent film TMNT, qui a fait plusieurs jeux vidéo aussi, dont le seul bon, ben le seul que j'ai essayé et le seul qui paraît qui est bon au Game Boy Advance. J'aime Raphaël parce que il questionne l'autorité. Il rentre dans le tas, il est très émotif, tu sais. Il est beaucoup, beaucoup comme moi, en fait, Raphaël. Puis je m'identifie un peu à son caractère, puis à la genre de personnalité qu'il a. Et puis je l'aime beaucoup pour ça, tu sais. Rentre dans le tas, tu sais, comme pas trop, tu sais, comme pas trop niaisé, puis let's go, puis on va par là, puis. Puis dans les films, les récents films qu'il a fait, il y a de même aussi, tu sais. Puis là, ils l'ont mis encore costaud. Il est rendu la grosse crise de tortue, là, tu sais. Fait que je l'aime beaucoup pour ça aussi. Mais Donatello, tu sais, c'est comme devenu le nerd inventeur. Pour moi, c'est comme juste, bon, ben, ça prend ça, mais il n'y a pas... il me laisse très froid. Mikey, ben, ça prend un personnage de même parce que c'est funny, là, puis tu sais, ça balance. Léo, bien sûr, il est comme un peu... tu sais, on n'arrive pas à dire comment Léo est tant que ça. Il est calme, tu sais, leadership, etc. Un peu plat, tu sais. Fait que ça serait un mélange de Raph et de Léo, mon idéal, mais définitivement que je suis plus Raph parce qu'il y a beaucoup plus émotif qu'un Léo, mettons, dans la vraie vie. Là. Puis je fais bien des jokes, mais je suis pas tant, tu sais, comme un petit clin, si je peux dire, que Mikey. Puis comme je disais, Donatello, ben c'est ça, là, c'est un intello, puis je suis pas tant intello, je crois. Là. Mais j'admire tous les intello, bien sûr. Mais j'aime beaucoup, là, vraiment, là, à quel point Raph il est devenu comme une grosse bête, là, tu sais, rough puis intense, fait que j'aime ça. Dans les jeux NES et SNES, Samuel D.A., me semble. Dans les jeux NES, SNES dispo sur la Switch, c'est quoi tes coups de cœur, Kirim? T'as peu, je vais aller voir. NES, SNES Games on Switch. Il y a des jeux bizarres, hein, là-dedans, d'ailleurs. Attends un peu. Can you play NES games? J'aurais dû préparer quelque chose pour ça. Là. Faut que je trouve ça. Ok. See full list. Donc, NES, mes coups de cœur là-dessus. Bon, là, il y a des Mario, des Zelda, on s'en sac, des Carus. Je vais vous nommer les jeux que vous avez peut-être pas joué puis que je trouve méritent d'être joués. Ben, Ghost and Goblin, c'est là. Ninja Gaiden, nanana. Versus Excitebike, ça c'est drôle. Wow, Journey to Silius, définitivement. Ça c'est une grosse surprise. Excellent jeu. Scat, Special Cybernetic Attack Team. Donc, ça c'est un excellent jeu de Natsume aussi. Donc, jouez à ça. Mighty Bomb Jack, ça c'est surprenant, tu sais. Mais c'est pas si bon que ça, honnêtement. Double Dragon, j'ai eu beaucoup de plaisir à finir Double Dragon dernièrement, ben il y a un an ou deux. Crystalis, jouer à ça, c'est un genre de Zelda 2. Rygar, bien sûr, qui est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup personnellement. C'est très bon. Nightshade, j'aime pas le style, c'est un point and click, mais c'en est un excellent dans ce qu'il fait. Donc si c'est votre style, jouez à ça. River City Ransom, bien sûr, un grand classique. Blaster Master que j'adore. Vice Project Doom, Shadow of the Ninja, toutes des, tu sais, Journey to Silius, Scat, Vice Project Doom, Shadow of the Ninja, toutes des hosties de jeux badass de NES que j'aime beaucoup beaucoup sont là. Et pour terminer, Fire and Ice, qui est Solomon's Key 2, qui est un jeu très puzzle. Ça, c'est un late release. Ce jeu-là, il vaut plusieurs centaines de dollars en copie physique. Donc, tu as du très bon stock là-dedans. Ça, c'est les jeux NES que vous devriez explorer si vous ne les connaissez pas. Pour Super NES, ici, on va descendre. Demon's Crest, bien sûr, c'est la suite de Super Ghouls and Ghosts, si on peut dire. Voyons, qu'est-ce que je dis là? De Gargoyle's Quest, ça serait Gargoyle's Quest 3. Donc, un excellent jeu. Poppin' Twinbee, ça j'ai jamais joué, mais ça doit être la Twinbee version japonaise, ça doit être pas pire. Wild Guns, c'est drôle comment toutes les affaires de Natsume sont là. Wild Guns au Super NES, c'est excellent, ça vaut cher ça d'ailleurs, hein. C'est un dans le top des jeux Super NES. Peacekeepers, excellent beat'em up quand même. Super Valis 4, très bon. Joe and Mac, bon. Brawl Brothers, c'est un peu dans la même affaire, Rival Turf, Peacekeepers puis Brawl Brothers, c'est un peu dans la même trilogie là, que de Jaleco, mais Peacekeepers est le meilleur là-dedans. Panel de pont, si je me rappelle plus c'est quoi ça. Tough Enough, tiens, un autre jeu que personne aime puis que moi je trouve pas si pire. Mais c'est un jeu de combat assez très primitif, là, tu sais, mais c'est Hey Punk, Are You Tough Enough? Drôle de jeu, je trouve ça bon. Super Ghosts and Ghosts, Super Earth Defense Force, un shmup assez moyen. Opération Logic Bomb, totalement surpris de voir ça là. J'adore, j'ai adoré ce jeu-là. Allez essayer ça. Ignition Factor, c'est un jeu, ça, qu'il faudrait que j'essaye d'explorer. Un jeu de pompier. Psycho Dream, bon. Vous voyez, je m'y connais peut-être un peu moins en Super NES, là, mais Opération Logic Bomb, définitivement. Demon's Crest, définitivement. Et puis, ça va ressembler à ça. Je vais remettre mes lunettes, hein, je suis en train de m'arracher les yeux. Ah. Ok, Patrick Doyon. Embarques-tu dans le bandwagon de la Playdate? Pour être franc, non. Bruno puis Fred, ils trippent bien raide là-dessus. Puis j'écoute le CEO podcast de Pat de NES Punk, puis ils trouvent ça bien hot, puis tout ça. Moi, je trouve ça a l'air inutile. Ça m'attire pas. J'ai pas besoin d'un autre gogos dans ma vie, puis je pense pas que ça va vivre longtemps. Vraiment pas. Mais c'est une très belle chose, t'sais. Fait que non, c'est pas pour moi. Moi, si j'ai à ramasser des jeux vidéo, c'est des vrais jeux vidéo, si je peux dire. Oui, c'est un jeu vidéo, mais tu sais, moi, la manivelle, qu'est-ce que c'est ça? C'est... Oui, c'est drôle, t'sais, mais c'est... j'aime pas ça. T'sais, je veux pas craquer une manivelle. Là. Tout ça, c'est juste comme... Ça en prend des affaires de même, t'sais. C'est exploratoire pis tout, mais... Pour moi, tout ça, c'est juste des bebelles. C'est pas des jeux vidéo. Fait que ça m'en... Non, ça m'intéresse pas. Olivier Hugo. Tu dois choisir entre écrire l'histoire ou designer le visuel du prochain Castlevania 2D officiel Konami. Tu choisis quoi? C'est une drôle de question, ça. Écrire l'histoire ou designer le visuel? Je pense que je préférerais écrire l'histoire rien que pour être sûr de mettre ça à bonne place. Puis pas pour partir un Lords of Shadow sous un autre nom, je sais pas quoi. Il est temps qu'on oublie Lords of Shadow, qu'on ramène Castlevania à son état pur, et puis qu'on suive la série comme il faut, la chronologie de tout ça, puis abandonner Lords of Shadow, puis tout ce qui vient avec ça. Je suis pas content de ça. Fait que c'est ça que je ferais. Danny Croisetière. As-tu joué au jeu de la compagnie Mark Data? Là, il y a un reply à ça. Shadowgate sur NES est dans le même genre. Donc, le jeu qu'il me pointe, c'est Black Sanctum. Black Sanctum, ça me dit rien. Screenshots. Ok, ouais. On dirait un genre de... Ouf. Un vieux jeu d'ordinateur de texte, là, de quand j'étais au primaire ou je sais pas quoi. C'est... Mon gars, c'est vraiment pas mon style. C'est ça, les Shadowgate et puis ces affaires-là. Pas du tout, du tout, du tout, du tout mon style. Alors, je peux pas vraiment me prononcer là-dessus, là, tu sais. Ça a l'air, I guess, nice. Je sais pas. Mario Gélina, quelle est la situation avec RetroMTL et le fait que vous devez aller en cours? Que peux-tu nous donner des détails comme... Peux-tu nous donner des détails sur cette malheureuse situation? C'est bizarre, ça. On va pourtant pas en cours. Peut-être parce que j'ai mentionné des affaires d'avocat, mais des affaires d'avocat, comment dire, c'est pour régler certains litiges et apostropher certaines personnes, mais c'est pas... ça va pas en cours. Du moins, pas pour l'instant. Fait que, inquiète-toi pas, il y a aucun problème à ce niveau-là, tout est sous contrôle. Alexandre Letellier, que penses-tu des machines arcade One-Up? Ben écoute, je trouve que c'est un beau créneau, et puis c'est bien que ça soit présent pour... c'est bien que ça existe pour prendre... Écoute, moi j'aime les affaires originales dans la vie, et puis j'achèterais pas ça. Mais je ris pas des gens qui achètent ça, je veux dire, c'est un parfait compromis. Et puis, c'est pas cher, c'est solide, c'est pas compliqué. Tu sais, les arcades originales, c'est un paquet de troubles, là, sérieux. Là. Et puis, les pinballs encore plus, donc on en veut tout, ça coûte une fortune, c'est brisé, tu sais, c'est pas le fun. Fait qu'eux autres, ils te règlent tout ça avec ces affaires-là. C'est pas cher, tu mets ça partout, c'est fantastique. Par contre, je trouve que ça fait un peu gugus, tu sais, je trouve ça... Je veux pas sonner snob, là, mais je trouve ça manque d'élégance, tu sais. Comment dire? Tu sais, moi, j'aime les affaires authentiques. Je sais pas, j'aime ça. J'aime ça, moi, les vraies affaires. Tu sais, j'aime pas les affaires qui copient pas. J'aime pas les copies pas chères des belles affaires, tu sais. Mettons, si j'avais les moyens d'acheter des chars, j'achèterais pas, tu sais, une fausse Ferrari, tu sais. J'essaierais d'en acheter une vraie, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Fait que je trouve que ça fait un excellent job. Et puis, moi, tout ce qui fait plus de popularité des arcades, ça me convient amplement. Mettez des arcades très populaires dans le monde entier. J'ai une business avec des arcades dedans. Donc, les gens vont vouloir venir chez nous pour les essayer. Fait que c'est bien parfait. Quand je vois des annonces de Bro et Martino qui vendent des arcades One-Up à TV, je me dis, good, le monde achète ça. Puis, ils vont vouloir en essayer d'autres. Puis, ils vont venir chez nous. Fait que ça, c'est parfait. Un petit étirement. Jean-François Betty, puis ça semble être la dernière question, quoique je pense qu'il y en a rentré deux de plus pendant qu'on tourne. Je vais faire un refresh après ça. Ton plus beau moment en tant qu'entrepreneur, de Jean-François Betty me demande ça. Moi, les plus beaux moments, c'est les réussites. Mettons pour RetroMTL, c'est sûr que des beaux moments, c'est comme... en tant que collectionneur et gars qui aime les jeux vidéo, c'est quand on achète des belles collections, des affaires de même. Mais tu sais, ça, c'est pas des moments, comment dire, uniques, là. Mais tu sais, comme quand Aero Fighters est arrivé, tu sais, comme Donkey Kong Country, compétition, Star Fox Weekend, c'est toutes des affaires, ça, qui nous passent entre les mains. C'est des super beaux moments d'entreprise. C'est des beaux moments de passion, mais c'est pas des moments, comment dire, d'entrepreneur unique ou quoi que ce soit. Mais un très beau moment par rapport à RetroMTL, ça a été quand on a ouvert. Tu sais, on a fait un événement jeudi, un événement média et ouverture pour les chums. Pas ouverture, mais un petit événement média et amis le jeudi, qu'on a fait la fête et tout. On avait de la bière ping-pong et pixels, et puis ça a été une très belle soirée. Ça a fini, on a fait le gros party finalement. Fait qu'on s'est donné vendredi off, sachant qu'on allait être complètement scrap, et c'était le cas. Et puis samedi, c'était notre première journée, notre ouverture, puis dimanche, puis c'est ça. Puis comme la réponse, tu sais, a été incroyable, on avait commencé, RetroMTL avec une certaine petite dette. Pas grande. Et puis, c'est ça, hein? Il y a une différence entre les deux. Arcade MTL, ça coûtait cher d'acheter un bar existant et puis toutes les infrastructures, tout ça, racheter les anciens actionnaires, tout ça, ça a été un gros investissement. RetroMTL, l'inventaire, on l'avait déjà, tu sais. Fait qu'il restait juste à louer un local. Puis notre local, vous avez vu des photos à l'origine, c'est pas nous qui ont payé les rénovations. C'est les propriétaires qui l'ont rebâti parce que le local-là, il était strippé anyway. Puis il était à faire. Fait qu'ils l'ont ajusté, puis ils ont ajusté ça sur le loyer. Mais notre loyer est quand même très, très bon, là. Tu sais, c'est pas cher, là, où ce qu'on est. Fait qu'on est très heureux de ça. Donc, on n'a pas eu de coûts, on n'a pas eu d'investissement, tu sais. Oui, on a acheté du mobilier, des affaires de même. Mais l'investissement pour ouvrir le magasin, il était peu. Et puis, il y a eu tellement de monde dans les deux premières journées qu'on a clairé notre dette la première journée, tu sais. Comme... Fait que ça, j'étais comme, waouh, OK, ça marche, là. Fait que ça m'a donné confiance, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment un beau moment de voir la réponse et puis l'effacement de la petite dette qu'on avait tout de suite en partant. Sinon, tu sais, c'est ça, c'est pas pour Arcade MTL, tu sais, c'est, mettons, le jour où j'ai fini de rembourser mon investissement de départ, ça, c'était un beau moment. Parce que l'entreprise, elle te redonne de l'argent, bien sûr, mais moi, j'ai payé pour avoir cette entreprise-là. Couple de dizaines de milliers, puis un coup que ça s'est remboursé, c'est comme, yeah, à cette heure, c'est que du profit, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est quand t'atteins la rentabilité. Ça, c'est des beaux moments d'entrepreneur, mais j'ai pas... C'est ça. Les deux entreprises sont un peu de la même façon, tu sais. On les a lancées en se disant, on verra bien, tu sais. Puis ça, c'est des projets de passion, c'est des affaires qu'on aime. C'est pas des tests, c'est des, tu sais, mais on le fait à tâtons, disons. Tu sais, on n'emprunte pas à la banque pour ça, on fait rien. On fait juste comme le crisser là, puis on verra qu'est-ce que ça fait. On réfléchit quand même, là. Puis les deux ont marché, tu sais. Puis moi, c'est ça qui me rend heureux là-dedans. C'est pas un moment précis, c'est d'avoir constaté ça, tu sais, avec le temps, dans le fond. Fait que ça serait pas mal la réponse que je pourrais donner. Là, je fais un refresh. Il y a peut-être d'autres questions. J'envoie une nouvelle. Il y a Benoît Landry qui répond à Mario tantôt par rapport à aller en cours. Fait que il dit what? Ben c'est ça, on va pas en cours. Alors Benoît Landry, devant la maison, gazon naturel et inégal, turf préfabriqué parfait, dalles décoratives ou herbes sauvages et fleurs. Ah, ça c'est drôle. J'en ai sûrement parlé à mon ancienne maison, j'avais du gazon, parce que je parle des rénaux. Fait que j'avais du gazon, on a fait tourber la cour de notre ancienne maison, c'était absolument magnifique, là. C'était vert bleu, là, t'sais, tout égal, c'était incroyable. On a vécu là pendant 7 ans, à la fin ça avait l'air du yard. Entretenir du gazon, c'est de l'ouvrage, et puis c'est pas juste de tondre, t'sais, faut que tu ressèmes, faut que tu arroses, faut que tu arraches les mauvaises herbes, t'sais, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Fait que ça m'a turné off un peu. Ma nouvelle cour, comme je disais, est pas grande, fait qu'on a mis de la dalle à grandeur, terminée. Je veux plus voir aucune végétation là, autre que celle que je vais contrôler en la mettant dans des pots, puis des plantes, puis des affaires de même. Fait que ça, c'est parfait. Sur le devant de la maison, par exemple, moi, ma blonde aime beaucoup les fleurs, puis j'aime qu'elle aime les fleurs. Alors, on est très fleurs, tu sais. Mes parents, chez eux, c'est ils ont le temps, là, sont à retraite, là, c'est incroyable, là, chez mes parents, comment c'est clean, là, le terrassement, puis tout. Fait que, quand j'aurai du temps, j'espère faire ça aussi. Donc, mais tu parles de turf préfabriqué, tu vois, en arrière, s'il y avait eu une zone verte qu'on aurait gardée, je pense que j'aurais mis ça. Un petit turf là, de faux gazon, là, je trouve que ça le fait, puis j'ai aucune honte ou whatever par rapport à ça. On règle des problèmes, c'est propre, c'est terminé, on peut faire le party, on est prêt à recevoir, ça fait pas de cochonnerie. Mais là, oubliez pas que j'habite en ville, là, et t'sais, comme il y a une ruelle en arrière de chez nous, il y a du monde partout, là, t'sais, c'est pas du tout là, comme j'ai pas un bungalow séparé avec une piscine en arrière ni rien, t'sais, ça c'est ma réalité. Mais si j'habitais en Beauce encore, c'est bien certain que j'aurais du gazon puis de l'aménagement comme tout le monde, tu sais. Fait que herbes sauvages et fleurs, je sais pas ce que c'est par herbes sauvages, mais non, fleurs, là, paillis, fleurs, tu sais, des belles fleurs. Là, on a planté un arbre, on a planté un magnolia en avant, et puis on est bien excités de ça. Moi et ma blonde, on adore les magnolias. Alors, c'est pas évident la survie de ça, je pense. Et puis, on va l'entretenir et le chérir le plus possible. Et puis, on espère bien qu'il grandisse et puis qu'il fasse plein de belles fleurs. Parce qu'un magnolia en fleurs, c'est absolument incroyable. J'adore ça. Et puis, on a un autre arbre. Quand on a acheté, en avant, il y avait un autre arbre qu'on a laissé là, qu'on trouve pas bien beau. et puis qui est un peu tout croche, tu sais, mais bon, j'y coupe les branches mortes, je l'ajuste un peu. C'est pas un tronc, tu sais, avec des branches, c'est comme plein de plus petits troncs qui sortent de la même botte dans le sol, comme un bouquet, tu sais, de troncs, puis qui grandit en branchouillage, tu sais. Puis, c'est pas nécessairement beau. Puis, il a fallu que je l'attache un peu parce qu'il penche vers le trottoir. Tu sais, fait que je l'ai attaché un peu pour le ramener vers le balcon. Et puis, là, il se tient un peu plus droit. Mais, tu sais, on savait pas trop quoi faire avec ça. On l'enlève dessus pour mettre d'autres choses, des fleurs. Tu sais, ma blonde, elle l'a jamais aimé, cet arbre-là. Et puis, là, on l'avait pas enlevé. On gossait pas là-dedans. Mais, il était sur le bord, là. Puis là, je sais pas si c'est parce qu'on est plus zen, puis que l'arbre il est heureux, puis qu'on y a mis d'autres plantes autour de lui, ou parce qu'il sentait la soupe chaude, mais là, cette année, il a explosé de fleurs. Puis on sait pas ce que c'est, l'arbre, d'ailleurs, il va falloir trouver c'est quoi, là. Je sais pas trop comment chercher un nom d'arbre que je sais pas ce que c'est, mais il va falloir trouver c'est quoi, parce que c'était vraiment beau. Là, il a fini, là, les fleurs sont toutes tombées. Je sais pas s'il va faire une deuxième floraison, mais il était plein de fleurs, là, puis ça sentait bon, tu sais, c'était magnifique. Alors, voilà. J'aime les fleurs. Et puis, je sais pas si vous avez vu, si vous avez lu la saga des vampires de Anne Rice avec Lestat le vampire et tout. Lestat aimait bien avoir des fleurs fraîches dans sa maison à tous les jours. C'est un vampire, tu peux te permettre tout ce que tu veux. Ben moi j'aime ça aussi, tu sais, des plantes, des fleurs. J'aime ça de la verdure. Pas trop, je veux pas que la nature prenne le dessus sur l'immeuble, tu sais, puis la maison, puis la cour. Je veux pas que ça devienne un chaos. Je veux que ça soit une nature contrôlée, propre, tu sais. Fait que, je pense que ça répond profondément à ta question, Benoît. C'est ça que j'aime. C'est là-dedans qu'on vise. Mais ça prend de la verdure, tu sais. Moi, j'aime ça, là. Parce que sinon, c'est juste la mort, et puis ça calme la verdure. Alors, un autre refresh. Et je pense que ça fait le tour, chers amis. Ben oui. Alors voilà. Hey, c'est bien. 1h06. Drette pile. C'est parfait. Merci à tout le monde d'avoir posé vos questions. C'est très apprécié. Et puis, j'ai presque fini mon gros café. Je suis zen. Je vais me prendre une croquette de bâton. Je vais faire le montage de ça. Et puis, je vais essayer de mettre ça sur Internet immédiatement ce matin. Le dernier épisode, j'ai eu de la misère parce que moi, j'upload sur Archive. Et puis, Archive, il ne voulait pas suivre. Je comprends pas, ça suivait pas. Bref, la version, c'était sur YouTube depuis longtemps. Puis, Archive ne voulait rien savoir cette journée-là. Il a juste été la version audio le lendemain. Fait que, bref, c'est ça. On va voir, j'espère que ça va bien aller aujourd'hui. Alors, voilà. Je devrais être... Là, cette semaine, j'ai réussi à faire un épisode, je suis content. J'avais peur de pas en faire parce que j'étais avec mon gars à job et tout. Fait que je vais essayer de... Je vais continuer ça. Et puis, c'est tout. Alors, merci à tous. Merci aussi à ceux qui ont acheté les livres de Ultimate Guide, NES et Super NES de Pat Country. On avait 50 de chaque et puis là, il en reste plus ben. Je pense qu'il doit en rester 10-15 de chaque. Ça s'est très bien vendu. On est bien contents. Alors, si vous n'avez pas acheté vos copies encore, allez voir ça. On a une section Ultimate Guide direct pour ça sur le site web de RetroMTL, retromtl.com. Donc, allez voir ça, c'est très cool. Et puis, Pat est bien content aussi de voir que ça marche. Donc, cool guy. Alors, voilà, je vous laisse là-dessus. Merci à tous et puis on se reparle bientôt.